toute la nuit. Je m'emmerde, c'est la merde, je peux même pas boire un coup. Ouais l'ami, il fait beau, y'a de la verre chez moi comme un fou. Toute la nuit, je m'emmerde, c'est la merde, je peux même pas boire un coup. Ouais l'ami, il fait beau. J'ai pensé à fumer parce que des fois ça m'aide. J'ai pensé à vous mettre bien, vous avez pensé à me la mettre. J'ai pensé au mal, j'ai pu faire sans faire exprès. J'ai pensé à faire tout seul parce que personne voulait que ça m'aide. J'ai pensé à m'armer quand j'ai su que ça m'en voulait. J'ai pensé au taf quand ça voulait me voir couler. J'ai pensé au mal, ouais, je me suis buté à couler. J'ai pas pensé à balance quand les flics m'ont dit leur faute à bouler. J'ai pensé à ma galère, j'ai regardé ma Ferrari. Ça m'a rappelé quand j'étais petit que je me disais quand on sera riche. J'ai pensé aux rumeurs, tu parais sur moi ça rite. Je parais sûrement ça dit que je m'en mets dans la narine. J'ai pensé dans les îles, je me suis dit je suis mieux chez moi. Leur langue je la comprends pas, direct par le chinois. J'ai pensé à mal de toi, ouais je te l'avoue. Normal tu parles avec les gens qui nous en veulent à nous. J'ai pensé à te faire monter. J'ai pensé à me faire descendre. Sur toi je comptais. J'ai pensé à tout arrêter. La vérité c'est que j'ai pas quoi faire. Petit, on était soudés, on s'aidait comme des frères. J'ai pensé à tout arrêter. La vérité c'est que j'ai pas quoi faire. Petit, on était soudés, on s'aidait comme des frères. Pas sur toi je comptais. J'ai pensé à me faire descendre. J'ai pensé à ma famille parce que je les vois jamais. J'ai pensé aux amis et aux frérots condamnés. J'ai pensé toute la nuit à mes ennemis comme jamais. J'ai pensé que eux ils voulaient être là quand j'avais. J'ai pensé à en vouloir à celui qui pardonnera pas. J'ai pensé très souvent à mon papa. J'ai pensé qu'ils parlent parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai vécu au tchèque dans mon petit appart. J'ai repensé avant quand ça coupait des grosses plaques. Quand ça se regroupait déterminé pour aller se battre. J'ai pensé sur la vue de celle ou de l'estat. J'ai écrit des gros textes en rêvant du RS4. J'ai pensé à lui qui fait le faux pour sa gadi. 3 mois après elle a quitté sa magie. J'ai pensé à tous ces petits qui ont grandi. Au sec pour faire la cage, on mettait des caddies. J'ai trop bon cœur, mon chien c'est comme mon frère. J'ai pensé qu'ils seront là pour faire les beaux idées en terre. Calmant, calmant.